Dédicace à mon père et à ma mère. Je dédie dédicace à toutes mes sœurs et mes frères. Je dédie dédicace à Jam, Sarah et Nadia. Je dédie dédicace à ceux qui ont toujours été là. Je dédie dédicace à First et nos fous rires. Je dédie dédicace à ma princesse Saphir. Je dédie dédicace à Ténor et Céno. Je dédie dédicace à mon pote Elma Grébino. Je dédie dédicace à Mousse et Bisbis. J'dédie dédicace à Najda, Morgane et Ellie. J'dédie dédicace à Théo et HKM. J'dédie dédicace à mes jumelles Rania et Ra. Ouais, j'dédie dédicace à tous les Tchékas, Saint-Lucie, Saint-Jean, Empereur et les Cannes. J'dédie dédicace à ceux dans la demeure. J'dédie dédicace à Bloody X Conseil. J'dédie dédicace à Cœur Ouf et City Clan. J'dédie dédicace à ma grand-mère que j'aime. J'dédie dédicace à tous ceux qui me soutiennent. J'dédie dédicace à la lune lorsqu'elle est pleine. J'dédie dédicace à TM, Shaq et Alio. J'dédie dédicace à SHD et Sancho. J'dédie dédicace à l'honnêteté lorsqu'elle règne. J'dédie dédicace à mes potos de X-Clay. J'dédie dédicace à NG et la Casa. J'dédie dédicace à ma pote Larissa. J'dédie dédicace à Johanna Sopranana. J'dédie dédicace à ceux qui ont toujours été là. J'dédie dédicace à Emily, Jani et Mimi. J'dédie dédicace à Willy et la Miss Icely. J'dédie dédicace à notre chaton. J'dédie dédicace à la graffeuse Marion. J'dédie dédicace à Karim et Adawed. J'dédie dédicace à tous mes cousins qui se baignent dans l'Ouest. J'dédie dédicace à le môme, la zone claire. J'dédie dédicace à mes pires souvenirs de STL. J'dédie dédicace à Redouane et Amazigh. J'dédie dédicace à Solet, Sarah et la famille. J'dédie dédicace à Grâce et à sa sœur. J'dédie dédicace à mes sourires et mes pleurs. J'dédie dédicace à mes oncles et tantes de Paname. Amine, Momo, Amine, Zora et Hennen. J'dédie dédicace à Elia, Anissa et Barry. Que vos âmes reposent en paix. Peace. Dédie dédicace à tous ceux que j'aurais oubliés. L'homme n'est pas parfait, sinon ça se saurait.